Bonjour tout le monde, ici Steve Lévesque pour Zone Mag en compagnie de Karine Hudon. Ça va bien, Karine? Oui, toi, Steve? Oui, merci. Passez un beau voyage. Oh oui, plein de soleil. C'était merveilleux. C'est correct, ça. L'important, c'est d'avoir du fun. Oh oui, ça fait du bien au moral. Yes. Cette semaine, qu'est-ce que tu as pour nous? J'ai le nouveau CD de Paramore, qui se nomme Paramore. Ils sont à leur 4e album. Le groupe a vécu plusieurs changements depuis les 2-3 dernières années. Ils ont perdu deux membres importants, deux membres fondateurs dans le fond du groupe. Suite à ces événements, le groupe a décidé d'inclure quelques nouveaux éléments à leur musique, soit un brin d'électronique ainsi qu'une panoplie d'instruments et de genres différents qu'on n'était pas habitué d'entendre, venant de leur style musical à eux. Apparemment, nous présente un album complet, profond, mais surtout rempli de couleurs, qui, à mon avis, est un des meilleurs qu'ils ont fait jusqu'à présent dans leur carrière. C'est un produit à écouter et à découvrir. Voici les trois extraits qu'on a pour cet album. T'as Ankle Beaters, Daydreaming et Part 2. Le prochain artiste, c'est Paulenka, qui a sorti un album qui se nomme Duet. Sur cet album, le chanteur a rassemblé une multitude de chansons qu'il a écrites pour différents artistes tout au long de sa carrière. Il a composé des chansons pour des artistes tels que Tom Jones, Frank Sinatra, etc. Ce disque a été enregistré en duo. On retrouve Céline Dion, Michael Bublé, Dolly Parton, Michael Jackson avant sa mort et plusieurs autres. Les extraits qu'on va retrouver, ça va être Crazy, This Is It, She's a Lady et My Way. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted. A lady, talking of I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. On a aussi Stone Sour qui ont sorti la deuxième partie de leur album concept double qui était House of Gold and Bones. Celui-là est le part 2. Le chanteur Corey Taylor lui-même dit que ses albums, du moins en tout cas le deuxième, là, c'était pas clair de quel qu'il parlait, s'il parlait de l'ensemble des deux albums ou juste de celui-là. Il disait que c'était un mélange de Pink Floyd, The Wall, puis de Dirt, de Alice in Chains. Personnellement, je trouve que c'est peut-être un peu prétentieux de dire que ça emprunte. Ben, si tu sais, Pink Floyd, The Wall, on s'entend que c'est pas rien, là. Mais tu sais, Stone Sour, c'est pas des deux de pique non plus, là. Tu sais, c'est deux, si c'est pas trois membres, je suis plus certain, qui étaient de Slipknot avant. Qui sont rendus dans Stone Sour. L'album est. Je pourrais pas dire qu'il est pas bon, puis que moi je l'aime pas, je pourrais pas dire que je l'aime non plus. Il y a certaines chansons qui sont accrocheuses, il y en a d'autres que. On dirait que, je sais pas, ça fit pas. Peut-être parce que j'avais lu aussi avant que. Je m'attendais peut-être à avoir quelque chose à Pink Floyd The Wall, ou, tu sais, mais personnellement, je trouve. Ça arrive pas à achever, il y a The Wall, là. Il y a le petit oomph que The Wall a, d'après moi, celui-là l'a pas. Je vais vous en faire écouter quelques extraits. Vous verrez par vous-même là, qu'est-ce que vous en pensez. C'est comme je dis, c'est pas nécessairement un mauvais album. C'est peut-être pas un qui va virer. Qui t'a accroché personnellement. C'est ça. Moi, en tout cas, il virera pas en boucle dans la maison chez nous. If I fail, if I fall, if I can't be free, then I never was at all. The more I fight, I stay the same. Where do I go and what do I do? I'll never know if I never get through. The more I fight, I stay the same. Ensuite, par exemple, il y a Drowning Pool qui sortait Resilience. C'est un sixième album pour Drowning Pool. Puis, suite à la mort tragique du premier chanteur, qui est arrivé en 2002, je crois, je me souviens plus exactement. C'est trois autres chanteurs qui ont passé dans les cinq autres albums là, qu'il y a eu. En fait, il n'y a pas un chanteur qui a fait plus que deux albums. Puis Jason Moreno, qui est le chanteur actif présentement, c'est son deuxième album. Donc, je lui souhaite de au moins en avoir un troisième. Celui-là, c'est exactement ce à quoi je m'attendais de Drowning Pool. C'est une tonne de briques. Personnellement, je l'ai écouté, puis réécouté, puis réécouté, puis réécouté. J'ai vraiment aimé qu'est-ce qu'il y avait là-dessus. J'ai eu de la misère à vous choisir quatre extraits pour essayer de vous vendre le CD, parce que personnellement, je les aurais toutes mis. Mais en tout cas, je vous en ai mis quatre. Vous jugerez par vous-même, mais celui-là, personnellement, il va s'en aller dans ma bibliothèque, c'est certain. One finger and a fist, I'll claw my way out of any situation. I got a 1-2 punch, I'll fight my way out of any confrontation. I got news for you. Pesley qui sort un nouvel album qui s'appelle Wheelhouse, qui en est à son 11e album studio. Pour cet album, Pesley s'est servi du fait que sa petite ville natale lui manquait un peu. Mais il révèle aussi que s'il n'aurait pas quitté son petit patelin, ben, il n'aurait pas pu vivre la carrière qu'il a aujourd'hui. Mille et une aventures. Comme à peu près tout le monde. Oui, exactement. Exactement, et qui n'aurait peut-être pas connu le succès qu'il y a aujourd'hui. Un album qui est rempli de joie de vivre et qui nous donne immédiatement le goût de sourire et de fredonner quelques mots. Moi, en tout cas, cet album-là, j'ai vraiment apprécié. Un très bon album. On va vous faire écouter quatre extraits, soit Certain Zone Comfort, Karaté, Harvey Bodine et de Mona Lisa. When your wheelhouse is the land of cotton, the first time you leave, it can be strange, it can be shocking. Not everybody drives a truck, not everybody drinks sweet tea. Not every- of his hand, but now she's had enough. And the battle lines are drawn. He's in a bar chasing Quibble with Takate. He doesn't know she's been taking karate. The way she figures it about July, she'll finally have the belt. Oh, but those 5 minutes were heaven. A peace unlike he'd ever known. And as he came back to the living, he thought, please God, don't make me go back to life. They told him what happened. How that green line had flattened make history. There are men who change the world, and there are men like me that simply find the right girl. And in that very moment, it all becomes clear what I meant to do, the reason I'm here. Now every night I thank the Lord I found you, and every time I put my arms around you, I feel like the frame that gets to hold the Mona Lisa, and I don't care. Il y a aussi Volbeat qui a sorti un album qui s'appelle Outlaw Gentlemen and Shady's Ladies. C'est leur 5e album en carrière. Ce groupe va plaire aux fans de Disturbed, Stone Sour, Five Finger Death Punch. Avec leur musique, c'est un mélange un peu de heavy metal et de rockabilly qui donne un résultat vraiment renversant. Je connaissais pas ce groupe-là, puis honnêtement, c'est super bon. Je pense que depuis que j'ai écouté, je lâche pas. Je le réécoute peut-être 2-3 fois par jour. C'est du rock à l'état pur avec une voix qui porte. Pour ma part, en tout cas, c'est une très belle découverte. Voici 4 extraits de cet album. Donc, Hangman, Bodies Count, Cape of Your Hero, Lola Montez, puis The Signer Is You. Du côté des autres sorties musicales, pour les amateurs de R&B, il y a Marc-Antoine et qui sort son album « Je ferai tout ». Ensuite, on avait aussi, pour du côté enfant, une nouvelle venue, c'est Harry Cui-Cui qui sort son premier album du même nom, Harry Cui-Cui. On a aussi, pour les amateurs de metal hard rock, le nouveau groupe Device, qui le chanteur de Disturbed, David Draiman, fait partie de ce groupe-là, donc ça va être à surveiller, ça risque d'être très bon, et même que j'ai vu certaines personnes dire que c'était meilleur que Disturb, ça reste à confirmer. On avait aussi Meatloaf qui ressort l'album Bat of the Hell en édition spéciale. Puis du côté rap, on a Tiga qui sort son album Hotel California. Du côté DVD, on avait Baytown Outlaw qui sortait. Baytown Outlaw, ça raconte l'histoire de trois frères qui sont dehors la loi, puis qui se font engager par Céleste, qui est Eva Longoria, pour aller chercher son neveu, son filleul, excusez, qui est présentement sous la garde de Carlos, qui est joué par Billy Bob Thornton. Puis ça aurait dû être une opération de routine, aller chercher le petit, le ramener, puis ça finit là. Sauf que malheureusement, quand ils sont allés, c'est dehors la loi. Dans le film, il y a des fusillades en masse. Ils ont malheureusement raté Carlos, qui est Billy Bob Thornton, que lui est encore en vie. Donc lui, puisqu'on apprend à travers le film aussi, c'est que lui veut revoir le petit à tout prix parce que l'héritage, ses parents à lui sont morts, puis l'héritage revient à leur tuteur légal, qui est entre autres Céleste puis Carlos. Donc c'est celui qui a des deux qui a la garde qui va avoir l'héritage. Donc lui, il s'arrange pour aller le rechercher, puis il envoie ses mercenaires les plus forts, ouais, à la poursuite du trio qui malheureusement échoue. Les autres. Donc c'est dès le départ, on nous plonge dans l'action. Il n'y a pas vraiment de longueur, pas beaucoup d'effets spéciaux non plus, si ce n'est que des fusillades, là. De l'action, souvent d'un bout à l'autre. Billy Bob Thornton et Eva Longoria sont là uniquement, je dirais pas comme par eux, mais comme rôle secondaire. Donc les noms publicisés par la pochette du film, c'est plus pour essayer de vendre le film, parce qu'ils sont là, sont pas là vraiment longtemps dans le film, là. C'est pas les personnages principaux. C'est pas un film pour se casser la tête, là. On se met le cerveau à off, puis on l'écoute le 1h30 que ça dure, puis après ça, c'est fini, là. Ça reste accroché. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça reste un bon film. Ça vaut la peine quand même d'être vu, là. C'est un bon film de fusillade. Si vous aimez les fusillades, là, vous allez être servi avec ça. Du côté sortie jeux vidéo, il n'y a aucune sortie physique cette semaine. On a seulement des sorties en ligne. Donc sur la Xbox 360, on a Motocross Madness qui sort pour le Xbox Live Arcade. C'était le seul d'ailleurs. PlayStation 3, on a une importation de PS1 qui est Evergreen Avenue. On a aussi Favorite Deer, Jungpaku no Yogensha. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, mais en tout cas. On a aussi Mayong Mayong, qui est trois jeux d'importation PS1. On a Fatal Frame, que lui est un jeu de PS2. Puis on a aussi Guacamelee, qui sort sur le PlayStation Network. Côté PS Vita, on a également Guacamelee qui sort PlayStation Network. Puis du côté Nintendo 3DS, on a Dylan's Rolling Western The Last Ranger qui sort pour le eShop. C'est tout pour nous cette semaine, puis on se dit à la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Bye. Bye.